Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet-Duprès 1862. Question 31. De la bienfaisance. La bienfaisance est un acte ou effet extérieur de la charité, à qui elle doit s'étendre. 1. La bienfaisance est-elle un acte de la charité? La charité est une amitié. Or, parmi les actes de l'amitié, il en est un qui consiste à se montrer bienfaisant envers ses amis. La bienfaisance rentre ainsi dans la charité. Elle découle, en effet, de la dilection et de la bienveillance, dont elle est la réalisation extérieure. Cependant, quand on envisage sous un aspect particulier le bien que l'on fait à quelqu'un, la bienfaisance, prenant un caractère spécial, peut alors se ranger dans le domaine d'une autre vertu. Note. La charité envisage le bienfait sous sa notion générale de bien. La justice y voit une dette à acquitter, la miséricorde, le soulagement d'une misère. Fin de la note. 2. Doit-on faire du bien à tous les hommes? Tandis que nous en avons le temps, disait saint Paul, faisons le bien à l'égard de tous. Galates 6, 9. La bienfaisance doit s'étendre à tous nos semblables, suivant les circonstances de temps et de lieu, comme la charité elle-même. Note. La charité ne demande pas que nous fassions du bien à tous les hommes en particulier d'une manière actuelle, mais elle veut que nous soyons disposés à leur en faire, le cas échéant. Il est un bien général que nous pouvons faire à tous, c'est de prier pour eux, sans distinction de fidèle ou d'infidèle. Fin de la note. 3. Devons-nous faire plus de bien à ceux qui nous sont plus spécialement unis? Ne pouvant pas être utiles à tous, répond saint Augustin, vous devez faire du bien principalement à ceux que les temps, les lieux et les autres relations vous ont unis plus étroitement. Si Dieu répand ses dons d'une manière plus directe et plus abondante sur les êtres les plus rapprochés de lui, notre charité, dans sa manifestation par la bienfaisance, doit aussi s'exercer principalement sur les hommes qui nous sont le plus unis. Disons seulement qu'il y a différentes sortes d'unions parmi nous, suivant les différents rapports qui nous lient les uns aux autres. Dans l'ordre naturel, se trouvent les parents, dans l'ordre politique et civil, les concitoyens, dans l'ordre spirituel, les fidèles, et ainsi du reste. L'exercice de la bienfaisance doit évidemment tenir compte de cette diversité de liaisons, car nos bienfaits, suivant leur nature, doivent s'appliquer de préférence à ceux de nos semblables qui nous sont particulièrement unis dans le genre de rapport auquel ils conviennent. Cette règle peut varier cependant avec les temps, les lieux et autres relations de la vie. Il est tel cas où l'on doit venir en aide à un étranger plutôt qu'à son propre père, lorsque, par exemple, l'étranger se trouve dans l'extrême nécessité, tandis que le père n'est pas dans une nécessité semblable. Note. Nous devons faire plus de bien à ceux qui nous sont plus unis, voilà la règle générale. Mais de savoir lequel on doit secourir le premier de deux hommes dont l'un nous touche de plus près, tandis que l'autre est plus indigent, c'est une question que l'on ne saurait résoudre par un principe général, à cause des divers degrés d'indigence et de proximité qui varient à l'infini. On doit, dans le doute, s'en rapporter au jugement d'un homme sage. Fin de la note. 4. La bienfaisance est-elle une vertu spéciale? L'acte extérieur et l'acte intérieur pouvant appartenir à la même vertu, la bienfaisance ne se distingue pas de la charité. L'une et l'autre envisagent leur objet sous le même rapport, En se proposant le bien du prochain, la bienfaisance est seulement un acte spécial de la charité. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.